peu importe les décennies, peu importe les années, on a toujours parlé d'amour. 1993, c'était Art Mingo à l'instant avec Parler d'amour sur Maxi France. Bon après-midi avec nous. Noé avec l'un près de l'autre, ça sera à suivre sur Maxi France. Et pour l'instant, c'est M Pokora, vous avez reconnu l'intro, hein, avec Tomber. C'est tout de suite. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est